Des innocents tués, des familles qui se brisent. Des innocents hués, le mensonge qui se médiatise. Les mêmes élites qui ne connaîtront jamais la même crise. Et tu veux me faire croire que Dieu existe. Les femmes qui se font violenter, qui chaque jour subissent. Les hommes qui se font balader par des femmes qui les méprisent. Les enfants qui n'ont rien demandé, qui dans la haine grandissent. Et tu veux me faire croire que Dieu existe. Les malades atteints de cancer, de tumeur et qui vieillissent. Ceux qui souffrent éternellement dans la patience en attentif. Ceux qui se sont noyés, électrocutés, ceux qui brûlent vite. Et tu veux me faire croire que Dieu existe. Le parfait ne peut produire l'imparfait, ne peut pas ne pas avoir la maîtrise. Pourquoi être heureux? Pourquoi être triste? Dieu n'aurait pas eu tant de créer tant, tant que le temps existe. Tu veux me faire croire que tu existes. Vous êtes amoureux de quelqu'un qui ne vous répondra jamais. Et vous dites qu'il vous aime et ne vous a jamais parlé. Vous me faites voir ses textes, mais qui me dit que c'est son texte? Moi je ne conteste pas, mais je constate que t'as la même relation avec Dieu